Chapitre 16e. Miss Martinthorpe s'informa avec soin du temps que Sir Charles devait rester encore dans le royaume, et pendant les 3 jours qu'elle le sut encore assez rapproché d'eux, elle laissa le major et sa femme discuter sur les moyens de transport à Thorpe Combe et sur les domestiques qu'ils désiraient emmener. Elle les laissa décider qu'on louerait une chaise de poste pour elle, Mrs. Heathcote et les jeunes filles, et que le major, de bonnes intelligentes et probes, et le reste des enfants iraient par les wagons. Mais le 4e jour, elle prit fièrement la parole et combla d'étonnement sa famille d'adoption, autant par le sens de ses paroles que par le ton mielleux dont elles furent prononcées. « Ne vous tourmentez plus de mon voyage, ma chère Mrs. Heathcote, » dit-elle. « Comme je déteste rester inactive tandis que d'autres agissent, je vous préviens que j'écris à Mrs. Barnes, car je veux essayer de la garder auprès de moi. » Quand même, je devrais faire pour cela des sacrifices. Et je lui donnai l'ordre de faire arranger cette voiture dans laquelle nous nous sommes promenés chez mon oncle, afin qu'il soit en état de venir me chercher. » Mrs. Heathcote, la bouche entrouverte, l'écoutait sans comprendre, et une colère réprimée avec soin grondait chez le major qui répondit « Mais cette voiture est énorme et voyagera bien difficilement, Sophie. J'ai permis qu'elle arrivât un jour à l'avance et que l'on fit des relais. Pour le retour, je prendrai 4 chevaux. Du reste, je vous dirai que pendant le temps de ma minorité, je me contenterai de cette voiture. Il suffira de la faire repeindre et de mettre mes armes sur la portière. J'aime à supposer, Sophie, que vous ne voyagerez pas seule avec le postillon et que vous trouverez bon que je vous accompagne avec mes 2 filles, reprit Mrs. Heathcote. Il est inutile que vous vous dérangiez pour moi, reprit Miss Martinthorpe. Vous viendrez comme il vous plaira. Mais je désire être chez moi avant vous, afin d'y faire préparer pour vous recevoir plus convenablement. J'écris à Mrs. Barnes de faire nettoyer la maison, et dès qu'elle sera en état, je vous ferai prévenir. Quant à vos craintes de me voir voyager seule avec ce postillon, dissipez-les. J'emmènerai ma femme de chambre. En allant l'autre jour chez la couturière, je lui ai demandé si elle connaissait une bonne femme de chambre. Alors elle m'a répondu que l'état de couturière ne rapportant presque rien, elle désirait se replacer, et m'a offert d'entrer chez moi. Je suis allé au renseignement chez Mrs. Mills, la femme du ministre, et d'après ses excellentes recommandations, j'ai arrêté Miss Robert. J'espère, madame, que vous m'approuvez. Certes, tout cela paraît fort bien arrangé, Sophie, répondit Mrs. Heathcote. Je suis seulement étonné qu'une jeune personne aussi ignorante des affaires que vous paraissez l'être puisse se tirer si bien de tout cela. La nécessité rend ingénieux, reprit modestement Sophie. Et quel jour comptez-vous partir ? Demanda le major, fronçant le sourcil et évidemment blessé du manque de confiance de sa pupille. « Après-demain, » répondit Miss Martinthorpe, qui sortit de la chambre sur ce dernier mot. « Quelle étrange nature !» murmura le major. « Il n'y a rien à reprendre dans tout ce qu'elle a fait, et pourtant je serais désolé que Florence en fît autant. « Il y a quelque chose d'indélicat dans sa manière d'agir, » répondit Mrs. Heathcote. « Je me félicite de ne pas être sa gardienne. » Car je ne saurais que faire et que dire. Si encore ce qu'elle fait était vraiment mal, on pourrait la réprimander. Mais tout en étant très convenable, ce qu'elle arrange mérite et m'effraie pour l'avenir. Je ne me plaindrai jamais d'elle, mais je suis bien heureuse que notre belle Florence ait au cœur une pensée qui lui donnera de la force et du courage. Autrement, elle souffrirait trop auprès de sa cousine. Miss Martinthorpe, après avoir fait comprendre à sa tante qu'elle partirait comme elle voudrait, et qu'elle eût à ne pas amener de serviteur avec elle à Combe, ne jugea pas à propos de lui dire qu'elle avait aussi retenu un intendant, qu'elle avait fait faire des caisses et comptait mettre Combe sans dessus-dessous. Au bout de quelques heures, elle revint près du major qu'elle trouva seul et lui dit avec assurance « J'ai entendu Sir Charles vous dire que feu mon oncle avait de l'argent déposé chez Messieurs Smith et Jones, banquier à Hereford. Sur les 1200 livres sterling qui y sont en ce moment, je vous prie de m'en faire donner 625. Je vous serai obligé de me remettre un mandat de cette somme sur ces messieurs. » Le major ne répondit rien. Il prépara immédiatement ce que demandait sa volontaire pupille, tout en pensant « Quelle étrange fille que cette Sophie. Elle n'a jamais vu de mandat, elle n'a jamais eu d'argent, et elle en parle comme si elle avait passé sa vie entre des piles d'or et de billets. » Malgré le mécontentement que lui faisaient éprouver les manières de sa pupille, le major reprit un air gracieux pour lui dire « Si vous avez quelques emplettes à faire avant votre départ, Sophie, et que vous désirez de l'argent, je suis prêt à vous en prêter, mon enfant. Vous me rendrez cela à Combe ?»« Je vous remercie, monsieur, » répondit l'héritière. « je n'ai pas besoin de vous gêner en rien. » Et en disant ces mots, elle sortit vivement. La vérité est que Sophie avait en effet des objets à payer avant de partir, mais elle ne voulait point avoir d'obligation à son oncle, et d'ailleurs, elle avait encore les 10 souverains que Mr. Thorpe lui avait donnés à Combe pour jouer le soir, et de plus 50 shillings qu'il lui avait remis à la même époque. « Ne sera-ce pas la dernière fois que cette fille-là me mettra à bout de patience ?» s'écria le major en se retrouvant seul. « En somme, qu'a-t-elle fait de mal ? Rien. Et cependant, j'aimerais mieux la voir commettre une grosse faute. Réellement, je commence à prendre un bien mauvais caractère. Je désirais en être honteux, moi, soldat et père de 9 enfants. » Après ce monologue, il se dirigea vers l'appartement de sa femme qu'il trouva occupée à coudre. « Ah, Popsy, je viens vous prier de me gronder. » Je suis vraiment furieux contre moi-même. Je vous assure, ma chère, qu'il y a 5 minutes, je me suis senti prêt à maltraiter Sophie uniquement parce qu'elle n'a pas voulu m'emprunter quelques guinées. Ne suis-je pas un bien aimable tuteur ? Si c'est là-dessus que vous désirez être grondé, mon ami, ne vous adressez pas à moi, car je n'ai jamais, je crois, rencontré une créature que je déteste autant que Miss Martin Thorpe, comme l'appelle le charmant baronnet. Quelle vilaine petite personne, méchante, rapace et ingrate au dernier point ! « Elle, » répondit le major avec mécontentement, « en prenant la pauvre orpheline chez nous, nous n'avons jamais pensé en être payés, pas plus avec de l'argent que par de la tendresse et de la reconnaissance. « Certes, vous avez raison, mon ami, » répondit Mrs. Heathcote, « mais rien ne peut excuser la manière impertinente dont elle nous traite. On dirait une duchesse égarée chez des gens de rien, et de chez lesquels elle veut sortir à n'importe quel prix. « Je ne vous demande pas cela, » répondit le major en souriant avec amertume. « Seulement, je vous avoue que j'ai plus peur, maintenant que sa garde m'est confiée par son oncle mourant, que lorsque j'étais à Bruxelles et que nous marchions sur Waterloo. À mon sens, je deviens fou ou imbécile. J'éprouve absolument la même impression que vous, cher major. Et à tout ce qu'elle dit ou fait, je voudrais chercher querelle à votre pupille, que j'aime moins que jamais, depuis tous ces nouveaux arrangements, surtout depuis le départ d'Algernon et de nos petites filles. » Je suis charmé de vous avoir ouvert mon cœur, Popsy. Car n'importe ce que nous aurons à supporter, d'un seul regard nous pourrons nous comprendre. Nous n'aurons pas besoin de parler, ce qui est toujours imprudent devant les enfants. Prenons sur nous, cependant, ma bonne amie, de ne pas chercher le mauvais côté de ses actions, tout en nous appliquant à l'empêcher de mal agir. Mais hélas, ce qui me désole, c'est que jamais, quoi qu'elle fasse, je ne pourrai m'attacher à elle. Le pauvre major était tout confus en faisant cette confession à sa femme. Il ne pouvait cependant pas choisir une meilleure confidente, car non seulement elle sympathisait avec lui, mais comme lui, elle voulait combattre ses penchants qui l'éloignaient aussi de Sophie et se promettait bien d'éviter qu'un mot blessant ou un reproche ne tombât de ses lèvres sur leur pupille. « Vous avez raison, ami, et nous devons nous vaincre, » répondit le major au sage conseil de sa chère femme. « La fortune lui donne le droit d'être hautaine avec nous et maîtresse chez elle. » Ce n'est pas sa faute, si elle n'est ni aussi jolie que notre Florence, ni aussi gaie que nos chers petits-enfants. On voit d'après cela que la tranquillité de Miss Martin Thorpe était dorénavant assurée, car le major et sa femme étaient bien décidés à lui laisser faire toutes ses volontés sans lui adresser même une observation.